Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On reçoit des candidats pour les élections de l'AGA-UQTR. Et on parle avec nos chroniqueurs Simon Fitzbé et François Landry comme à chaque semaine. C'est Assemblage requis, ça commence tout de suite. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis, l'émission où la vigilance auditive est nécessaire, mais où le plan est inclus. Aujourd'hui, on a un plan en millions d'étapes, mais une chose, on a des petits dessins. Comment? À la radio, on va dessiner pour les gens sur notre... C'est comme au football, quand ils font des flèches. C'est logique. Et des X et des O, là, on va faire ça pour vous aujourd'hui. Toi, tu vas là, puis... C'est ça, toi, tu t'en vas par là-bas. Va-t'en, je l'aime tout seul aujourd'hui. Parfait. Donc aujourd'hui, on a, comme je vous disais, beaucoup d'étapes. On va parler avec plusieurs candidats aux élections de l'AGEQTR à 7h, 7h30, à 7h15, 7h30 et 7h45. Tout à fait. Environ. Tout à fait. On reçoit d'ailleurs Charles Plourde de Leblanc et Penda Niang, candidat au poste de vice-président aux affaires académiques de premier cycle. Aux alentours de 7h30, comme tu le mentionnais, Andrew Bergeron Vandal et Anthony Dehay, candidat au poste de secrétaire général. Et aux alentours de 8h moins quart, Thierry Méroux, candidat au poste de président. Voilà. Ensuite, on va voir nos deux chroniqueurs du jeudi, c'est-à-dire Simon Fitzbé avec sa chronique Phénomène. On ne sait pas encore de quoi il nous parle aujourd'hui, par contre. Non. À 8h30, on va voir François Landry qui va nous parler du budget Bachand. Oh ouais. Oui. Ça va être intéressant. C'est un gros plan d'ici la fin de l'émission. Bon, on débute en musique avec notre potin. Là, vas-y. Semaine. Je te laisse la primeur. Moi, je m'en fous, mais je sais que vous allez entendre parler beaucoup. Béatrice Martin, Cœur de Pirate, et Jay Malinowski de Bedouin Soundclash ne sont plus ensemble. Quoi? Ben non, pourtant, ils viennent de sortir l'album Armistice avec leur petit projet full Mambo Number 5. Mambo Number 5. Pas vraiment. On va les écouter tout de suite. Ils sont sur le palmarès en ce moment. Ouais. Donc, voici Armistice avec Mission Bells. Et après ça, on revient avec les candidats aux élections de la GEQTR. Ami 6 avec Mission Bells, on sait pas s'il va y avoir d'autres albums d'eux. Ça se peut des gens qui arrêtent de sortir ensemble et restent amis. Peut-être. Mais ça doit pas être toujours évident de travailler avec sa conjointe. Ça peut être frustrant par moment. Ça peut être bien des choses. Ça peut être bien des choses, tout à fait, Mathieu. Tantôt dans l'intro, j'avais oublié de te dire, Simon Fitzbé, c'est The Doors. Oh, OK. Le groupe, donc, si vous aimez The Doors, restez à l'écoute parce que Simon en parle dans sa chronique Phénomène à 8h. Parfait. Voilà. Non, mais pour l'instant, on passe aux candidats aux élections de l'AGEQTR, François. Tout à fait. On va recevoir en premier Madame Penda Niang, candidate au poste de vice-présidente aux affaires académiques de premier cycle. Bonjour, bon matin à vous. Bonjour, François. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, très bien, merci. En premier lieu, est-ce que vous voulez premièrement nous présenter le poste pour lequel vous désirez être élu? OK. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui. Ben ça fait plaisir. Je dis bonjour à tous les auditeurs et auditrices de C'est fou. Mon nom est Penda Niang. Je me présente au poste de vice-présidente aux affaires académiques premier cycle. Je suis étudiante en génie industriel. Je suis en deuxième année. Donc, en tant que vice-présidente aux affaires académiques, mon rôle sera de recueillir les griefs et les revendications des étudiants, mais aussi de défendre l'intérêt général des étudiants. OK. Mm-hmm. Et j'ai été très impliquée dans le mouvement étudiantin au Sénégal. Notamment, j'ai joué le rôle de porte-parole entre le corps professoral et les étudiants lors de tensions. Okay. Et aussi, je suis très impliquée dans l'association sénégalaise ici. J'ai aussi participé de façon bénévole à des activités culturelles au sein de l'université. Ben, je suis là depuis une année et en gros, j'ai préféré observer, prendre un temps d'observation afin de voir le fonctionnement des associations au sein de l'UQTR. Et c'est tout récemment au mouvement étudiantin qui a été organisé le 15 février contre la hausse générale des frais de scolarité que j'ai pris la décision de m'engager au sein de l'AGE. OK. Mmh. Et puis, c'est ça, vous avez parlé de vos implications aussi. Mmh. Si vous êtes élu, à quoi on peut s'attendre peut-être de vous? OK. Comme le dit mon slogan, ma mission principale est de réduire les obstacles pour une meilleure réussite des étudiants et des étudiantes, une réussite scolaire, je veux dire. Donc, pour ce faire, je vais d'abord travailler sur un consensus sur la hausse générale des frais de scolarité, car vous savez, actuellement, il y a une hausse qui s'est appliquée, qui est en train de s'appliquer pour les étudiants internationaux, mais ça ne s'applique pas qu'aux étudiants internationaux, car on s'en va vers une hausse en 2012. Okay. Donc, il faudrait essayer de faire un consensus sur ce point. Aussi, on voit que plusieurs étudiants sont confrontés à des problèmes de stage. Donc, essayer de faciliter cela. Mais aussi, une assistance aux étudiants. Parce que vous savez, la plupart des étudiants ne sont même pas au courant qu'il y a un officier qui s'occupe de leur dossier académique. Mais aussi, élargir la TRU, qui est en fait la table ronde universitaire des étudiants internationaux. C'est-à-dire participer à son améliorement. OK. OK. Merveilleux. Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, je dis juste aux auditeurs et auditrices de voter pour moi. OK. Que je serai à leur service, que je serai là pour défendre leurs intérêts et que leur cotisation ne sera plus vaine. Oh! Merveilleux. Donc, votez pour moi et merci beaucoup. Parfait. Merci. Madame Penda Niang, candidate au poste de vice-président aux affaires académiques de premier cycle. Oui. Donc, voilà. On va aller rejoindre tout de suite votre opposant. Monsieur Charles Plourde Leblanc, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ce matin. Ben, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Donc, pour vous, en fait, est-ce que vous voulez nous expliquer le poste? Le poste de vice-président aux affaires académiques, c'est un poste qui est quand même assez important parce qu'on est d'abord et avant tout ici à l'université pour étudier. Donc, c'est lui qui va représenter les droits et intérêts d'ordre académique des étudiants devant les comités et organisations de l'université. Donc, si les étudiants sont pas contents, c'est de l'enseignement, dans le fond. C'est par le vice-président aux affaires académiques qu'il faut que ça passe. OK. Donc, c'est lui qui va recueillir les griefs, comme Pendal disait. Mais il s'occupe pas seulement des dossiers académiques. Il s'occupe aussi des étudiants internationaux, qui sont un dossier quand même assez important. On a vu ce qui s'est passé. Donc, leur 10%, c'est quand même quelque chose d'important. Et j'aimerais ça travailler là-dessus. Donc, le poste, c'est un poste qui demande quand même une bonne charge de travail, mais je suis confiant que je vais être capable de réussir. Parfait. Et puis, est-ce que vous voulez nous parler de votre implication, de vos expériences antérieures, peut-être? Ben, ça va me faire plaisir. Je suis présentement administrateur à l'AG de... au CA de l'AGE. Donc, je suis le représentant de l'Association étudiante des en sciences chimiques et physiques. OK. Donc, c'est ça. Je suis impliqué là-dedans depuis à peu près un an. J'ai eu l'occasion de m'impliquer sur plusieurs comités, notamment le comité de développement du plan d'action stratégique. Donc, c'est un comité qui fixe les actions à prendre pour les 3 à 5 prochaines années par l'AGE en tant que telle. Donc, c'est quand même un comité qui est super important. Ça va permettre de revoir les priorités, les dossiers sur lesquels il faut travailler de l'AGE. Après ça, justement, je suis impliqué dans mon asso de programme, donc au poste de secrétaire et de vice-président aux affaires internes. OK. Notre asso est revenu à peu près des limbes cette année et on a réussi à organiser une belle vie étudiante. Donc, je crois que ça, c'est une bonne initiative que je veux répandre à travers toutes les autres assos aussi. OK, parfait. Et puis, si vous êtes élu, c'est quoi vos buts, vos objectifs? Comme je le disais tout à l'heure, on est ici pour étudier. Donc, quand on n'est pas content d'un professeur, on fait quoi? Les étudiants savent pas. Ils savent pas c'est quoi les revendications qu'ils peuvent aller chercher. Donc, je veux travailler là-dessus sur la publicisation, des moyens qu'ont les élèves. Donc, faire un formulaire de plainte simplifié, ce serait une de mes grosses priorités. Ensuite de ça, c'est sûr, comme je le disais tout à l'heure, les étudiants internationaux, je veux travailler en collaboration avec eux autres parce que je considère qu'ils sont super importants à la vie de l'UQTR en général. Donc, ça pourrait être pas mal ça. Je veux aussi aider à l'organisation d'activités académiques, comme par exemple les colloques. Aujourd'hui, commence le colloque en histoire. Donc, ça, c'est un autre beau projet académique organisé par les étudiants. Et je crois que c'est super important qu'on les ait parce que ça donne une vie académique plaisante, intéressante, motivante pour les élèves. Ça pourrait résumer les grandes lignes. OK, merveilleux. En finissant, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ou? Oui, si tu me permets. Je suis membre de la commission, de la coalition, étudiante. Okay. Qui est un regroupement de 7 administrateurs de l'AGE UQTR ou d'officiers, donc des personnes déjà en poste à l'AGE. C'est des personnes qui sont super motivées, qui connaissent les dossiers, ça va être plaisant. Vous l'avez dit tout à l'heure, le budget Bachand rentre aujourd'hui, donc les hausses de scolarité vont arriver. Veux pas, c'est quand même à l'automne 2012 qui vont rentrer en poste. Donc, faut pas perdre de temps. Puis je crois que si on est élu, on pourrait travailler directement là-dessus à cause qu'on connaît les dossiers. Ça pourrait avancer beaucoup plus vite. OK. OK. Donc, c'est pas mal ça. Parfait. Charles Plourde-Leblanc qu'on vient d'entendre qui se présente comme candidat au poste de vice-président aux affaires académiques de premier cycle. Et juste auparavant, on a entendu Mme Penda Niang, en fait, candidat pour le même poste. Donc, merci à vous deux. Merci à vous. Merci. C'est fort intéressant. Merci beaucoup. Beaucoup de chance au débat de lundi prochain, 21 mars. Ouais. Amusez-vous. Bonne chance. Vous êtes toujours Assemblage Requis. On va avoir d'autres candidats pour les élections de l'AGE tout à l'heure. À 7h30, on va recevoir Andrew Bergeron-Vandal et Anthony Deshaies, candidats au poste de secrétaire général. Et à 7h45, Thierry Méreau, candidat au poste de président. Alors, restez avec nous pour ça, tout le monde. Tout à fait. Oui. On va retourner en musique. On va entendre notre ami Antoine Corriveau avec son nouvel album Saint-Maurice-Logan. Artiste du coin qu'on adore. Voici Barcelone au 89.1 FM. C'est fou. Des plans, des beaux projets, des fenêtres ouvertes le printemps. le vent qui entrait et sortait, et j'espérais la pluie longtemps. Il y avait ce soir dans le ciel de la lumière comme des éclairs, de la lumière un peu trop belle pour être celle des lampadaires. Je n'ai pas pu m'en empêcher, je t'ai vu, toi, ton appareil, le sourire, l'objectif braqué, pointé sur moi qui te surveille. Assez trop arpenté de ces trottoirs en solitaire, fuyant de peur de ressembler tous ceux qui laissent ce goût amer. Laissons-les se battre si tu veux, c'est un combat perdu d'avance. Nous n'avons pas besoin d'eux, car chaque jour ils recommencent. Je veux regagner Barcelone, même si je sais que tu crains que nos pas à nous n'y résonnent, bien que parce que l'on est certain qu'on ne nous y trouvera pas, on n'est pas là pour personne d'autre que toi et moi à Barcelone. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Bon, toi, vous êtes toujours à Assemblage requis, hein? On aime ça aujourd'hui, l'émission remplie bout à l'autre. Chargée à bloc. C'est le fun quand ça arrive. Ouais, tout à fait. Donc, on est de retour avec un autre bloc de candidats de des élections de la GEQTR avec les candidats au poste de secrétaire général, François. Tout à fait. On a présentement dans le studio M. Andrew Bergeron-Vandal, candidat au poste de secrétaire général, et M. Anthony Dehay, candidat au poste de secrétaire général aussi. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour, messieurs les animateurs. Donc, on va commencer par vous, monsieur Dehay, Anthony de son prénom, candidat au poste de secrétaire général. Donc, bonjour, comme on l'a dit précédemment. Est-ce que vous voulez nous présenter, premièrement, en fait, le poste pour lequel vous désirez être élu? Bien évidemment. Ben, bonjour à tous les auditeurs de C'est fou. Merci de nous recevoir ce matin. Ça fait plaisir. Merci. Donc, le secrétaire général, généralement, c'est un poste de concertation. Généralement, lui va assister, va conseiller le président dans ses fonctions sur le travail de coordination entre les officiers qui sont élus, par exemple. C'est le gardien de la loi, c'est la police okay. entre les officiers. C'est le médiateur aussi en cas de tension, en cas de conflit, par exemple. C'est le gardien du sceau de l'association, si on lit officiellement les tâches. C'est un peu particulier, mais en fait, c'est de garder finalement l'intégrité de l'association et de la démocratie au sein de la GEQ. Il s'occupe de toutes les dimensions légales des tâches administratives qui sont reliées aux instances de l'AGE. C'est aussi le responsable du conseil d'administration de l'AGE qui va veiller à la sensibilisation des membres du CA, à leur rôle, à leurs responsabilités, à tout ce qui est convocation d'ordre du jour, de procès-verbaux, d'assemblées générales, de comités, de... un peu tout, comme toute la paperasse, si on veut, qui est une tâche régulière du secrétaire général. Il s'occupe aussi, ultimement, dans le cas de vraiment de malfonction, des élections qui se déroulent présentement. Si jamais il y a une plainte adressée au DGE ou au comité électoral, ben c'est le secrétaire général qui va prendre charge. Qui va traiter... La plainte, finalement. Okay. Et aussi, en premier lieu, responsable des règlements, statuts et règlements généraux, les SRG qu'on appelle, et des politiques internes en vigueur de la GEQTA qui va voir à faire respecter, puis surtout à améliorer. C'est, en gros, c'est le vrai législateur de type romain. Il fait et pense les lois, finalement. Okay. En collaboration, bien sûr, avec tous les officiers en poste, les comités qui recommandent, etc. Il veuille aussi à ce que les structures de la GE, comme les comités, les mandats, soient, disons, demeurent pertinents, parce que dans le temps, des fois, ça change. On sait, les priorités, les dossiers prioritaires peuvent changer. Puis, je dirais qu'il doit avoir une très bonne, puis voire excellente, parce qu'on peut toujours apprendre en cours de route, connaissance des statuts et règlements. OK. Parfait. Donc là, en fait, est-ce que vous voulez nous parler de vos implications antérieures, de vos expériences? Bien évidemment. Depuis 2007, je suis à l'université depuis 2006. Okay. Je suis actuellement en maîtrise en études québécoises. Je suis impliqué depuis 2007 dans les affaires étudiantes, de près ou de loin. Premièrement, dans mon bac, au comité de programme, conseil des modules, qu'on appelle aussi dans certains programmes. Je cherche sur le CA depuis septembre 2010 sur le CA de CIFU, zone campus. Ah oui, c'est bon, bonjour patron. Bonjour les amis. J'ai siégé sur le CA de la GEQTR entre février 2010 et septembre 2010. J'ai dû quitter mon poste parce que j'ai été élu président de mon association étudiante en études québécoises. Donc, j'ai comme respecté ce mandat-là qui était, à mon avis, une marque de respect qu'on m'apportait. Puis j'ai dit, bon, ben, même si c'est à contre-cœur que je quittais le CA, parce que j'ai participé à plusieurs comités sur le CA, dont le SAGE, les barres et services, okay. Le comité de réflexion sur la tâche des officiers, plusieurs comités d'embauche, donc passer des entrevues, tout ça. Donc, j'ai dû élaborer certaines politiques, à les faire passer, à faire quelques tractations. Donc, j'ai l'expérience aussi des statuts et règlements dans ce sens-là. Mais malgré que j'ai été président de mon association pendant, disons, quelques mois, 6 à 8 mois, je crois quand même que je me suis tenu au courant des dossiers prioritaires parce que j'ai été de retour au CA de la GEQTR en février 2011 parce que celui qui était administrateur n'avait plus le temps d'effectuer le travail. Puis les gens sont probablement du CA se sont probablement rendu compte que je m'étais tenu au courant des dossiers parce que tous les dossiers prioritaires, les affaires découlantes de la GE, j'avais toujours mon mot à dire là-dessus, disons. OK. Bon, avec ces expériences-là, je pense que j'ai acquis une très bonne connaissance des statuts et règlements généraux, puis, disons, des instances politiques de la GE qui font en sorte que je suis très à l'aise à travailler avec, bon, ces gens-là, puis tout ce monde-là, puis cette espèce d'esprit qui anime la GE, finalement. OK. Merveilleux, merci. Est-ce que vous voulez, là, nous parler de vos buts, vos objectifs, si vous êtes élu? Ben oui, tout à fait. En fait, au poste secrétaire général, après avoir parlé avec des anciens secrétaires généraux, anciens secrétaires généraux, dont Marine Audet, l'ancienne, puis Claudia Bertium, la secrétaire générale sortante, il ne faut pas avoir un trop gros plan d'action quand on se présente au poste de secrétaire général, puisque premièrement, comme je l'ai dit plus tôt, il y a toute la charge administrative qui est récurrente. En plus de ça, c'est des tonnes de dossiers ponctuels qui nous popent ou nous surgissent à la figure semaine après semaine. Puis il y a certains comités qui se réunissent parfois 2 à 3 fois par semaine et on siège sur les comités. Donc à ce moment-là, avoir un trop gros plan d'action, pardon, c'est un peu de... Comment je dirais? C'est utopique finalement, parce qu'on n'arrivera jamais à finir le tout. Tandis que Claudia Bertium, son plan d'action qui était un peu plus mince, mais tout à fait réalisable, a été réalisée et elle a pu ensuite poursuivre d'autres dossiers qui se sont rajoutés ensuite à son plan d'action. Donc, je pense que, premièrement, comme élu en général, peu importe le poste, c'est défendre l'intérêt général des étudiants qui est important. Moi, j'ai une personnalité politique, j'ai une personne politisée aussi, mais si l'Assemblée générale décide de telle ou telle orientation, ben moi, c'est ça que je vais défendre au plus haut point, finalement. Généralement, les statuts et règlements sont tous légaux. Une ancienne secrétaire générale s'était affairée à bien rendre ça légal. Cependant, avec le temps, comme je disais, c'est au même titre que les mandats des comités, les statuts et règlements sont appelés à changer parce que les situations puis le quotidien est appelé à changer. Donc, suivant les recommandations de certains comités, comme par exemple, le comité électoral va émettre un rapport sur les élections, à savoir, bon, à certains endroits, il y a des petites lacunes, à certains endroits, il y a des choses à faire, donc c'est à nous, à ce moment-là, en étant élu comme secrétaire général, à prendre en charge les modifications proposées par certains comités ou simplement de mon propre gré, de mettre de l'avant des réflexions pour améliorer certains statuts et règlements. Claudia Bertium a bien commencé ce travail-là. Je pense que sensibiliser les administrateurs à leur rôle, leur responsabilité, c'est quelque chose de primordial parce que au fond, c'est un travail qui est toujours à renouveler, puisqu'il y a un renouvellement des administrateurs, parce que certains terminent le programme, d'autres ne peuvent plus faire le travail, donc sont remplacés de façon intérimaire au cours de l'année. Je pense que c'est toujours bon de rappeler que les administrateurs, oui, c'est pas des gens qui sont payés, mais c'est des gens qui sont élus, puis ils représentent, oui, leur association, mais avant tout, tous les étudiants. Puis, dans ce sens-là, je comptais monter un dossier, parce que au CA, on reçoit un petit cahier avec le code Morin, en bref. Ben, je pense qu'un vrai dossier avec les statuts règlements généraux de l'AGE, avec des plans d'action d'officier, avec l'ensemble du code Morin, pardon, toutes des choses, tout un ensemble, un corpus légal, si on veut, puis documentaire, qui permettra aux administrateurs d'être plus facilement informés, finalement. Parce qu'au fond, ce que je veux aussi instaurer, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans l'AGE UQTR, puis au sein de l'UQTR aussi, certains s'en rendront compte, une culture de la circulation de l'information. Parce que ceux qui veulent être informés, c'est ceux qui veulent bien être informés. Puis je pense que, pas pour faciliter leur travail ou pas pour par lâcheté, mais plutôt pour tenter d'inciter les gens à s'intéresser à leurs affaires étudiantes, ben je pense que faciliter l'accès à l'information, c'est une chose primordiale. Ensuite de ça, c'est un comité sur lequel j'ai déjà siégé comme administrateur, mais la réflexion sur la tâche des officiers, je pense que c'est fondamental à revoir encore une fois. Étant donné que finalement... comme je disais, c'est comme les comités, c'est comme les statuts règlements. Les tâches d'officier peuvent varier dans le temps, à mon avis. Il ne faut pas se fier à la capacité ou la qualité de la personne en place, mais plutôt penser à long terme, puis se dire, il faut rationaliser ces tâches, ces postes-là, parce que on ne sait pas qui sera le prochain, puis on ne sait pas si, malheureusement, il sera compétent ou non. Donc, il faut s'assurer de garder un certain degré de compétence en mettant des tâches, des rôles précis, pour pouvoir évaluer précisément le travail effectué, finalement. Puis évaluer si le plan d'action concorde avec le poste. Parce que les autres peuvent bien dire. Je peux bien dire, moi, je suis contre la hausse des frais de scolarité puis je vais militer contre ça, mais c'est pas mon mandat premier. Bien sûr, je suis contre. Je vais assister tous les officiers qui vont travailler dans ce sens-là. C'est mon travail d'assister les officiers puis de les aider au point de vue légal. Cependant, je peux pas dire que c'est dans mon plan d'action. Ça coule de source d'aider les autres, mais je peux pas. C'est pas le but principal. Ensuite de ça, je dirais que c'est mon petit dada d'historien. Je veux m'assurer qu'un archiviste recherchiste soit engagé de façon récurrente, permanente, au sein de l'AGE, parce qu'un bon archiviste recherchiste, ça fait en sorte que l'attaché politique travaille plus efficacement, que la CASP, le comité des affaires sociopolitiques, agit plus efficacement, plus rapidement, puis ça fait en sorte que le CX peut être informé plus rapidement, donc le CA plus rapidement, donc les dossiers peuvent progresser plus rapidement. Enfin, je dirais que le mode facultaire, l'université veut nous l'imposer. Il n'y a personne qui en veut, aucun département, aucun étudiant, pas le syndicat des profs, personne. Cependant, ils ont le droit de l'imposer. Est-ce qu'ils vont le faire malgré tout devant l'indignation de tout le monde? Peut-être pas, mais c'est possible. Mais ça, il faut y réfléchir. Il faut être prêt, parce que si jamais ça arrive, l'AGE devient totalement inefficace. Donc, si du jour au lendemain, on est pris de court par le mode facultaire, ben, on devient inefficace, donc la pertinence de l'AGE n'est plus là. Donc, il faut réfléchir à la composition du CA. Il faut réfléchir à l'élection des administrateurs au CA. Il faut réfléchir au mode de gouvernance de l'AGE, parce que là, à 10 000 étudiants, on est à cheval entre deux modes de gérance, finalement. Parce qu'on n'est pas un syndicat étudiant à bord et avant tout, mais on agit un peu comme. Puis bon, c'est dans ce sens-là aussi que je veux réfléchir, finalement. C'est juste se parer aux éventualités, finalement. OK. Merveilleux. Merci beaucoup, Anthony Dehé. Candidat au poste de secrétaire général. En finissant, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Ou? Ben oui, j'invite bien sûr tous les étudiants à voter du 22 au 24 mars sur leur portail, parce que je pense que le premier geste démocratique, c'est aussi de voter. Puis l'inscription politique des étudiants dynamisera nécessairement davantage la vie associative. Puis, je vous remercie d'encore nous avoir invités. Puis je dis une bonne journée à tout le monde sur les ondes de C'est fou. Merci beaucoup, Anthony Dehé, candidat au poste de secrétaire général. Donc, on va rejoindre... Futur animateur, peut-être. Donc, on va aller rejoindre tout de suite votre opposant, M. Andrew Bergeron-Vandal, candidat au poste de secrétaire général aussi. Donc, bonjour à vous. Bien, bonjour. Donc, pour vous, en fait, est-ce que vous voulez premièrement nous présenter le poste pour lequel vous désirez être élu? Dans le fond, pour moi, un secrétaire général, c'est pas seulement de la paperasse. On s'imagine souvent qu'un secrétaire, c'est quelqu'un qui est dans les papiers, tout ça. Tant qu'à moi, c'est pas mal plus que ça. C'est l'avocat de soutien. Avocat, ici, je parle plus au niveau de tout ce qui est droit, ce qui est, dans le fond, défendre les intérêts de quelqu'un. Et niveau soutien, c'est surtout au niveau de... La secrétaire générale est là pour... aider le monde qui l'entoure. Dans le fond, moi, je considère que le comité exécutif, autant que toutes les instances, faut travailler en équipe. Puis c'est pas mal ma vision de secrétaire général. OK, merveilleux. Là, est-ce que vous voulez nous parler de vos implications, de vos expériences antérieures? Oui. Mais dans le fond, moi, je suis étudiant en psychoéducation. OK. C'est ma première année ici à l'université. Mm-hmm. Je sais que c'est un peu osé de se présenter comme ça après sa première année. On se dit souvent, ah, la personne n'est pas au courant des dossiers en tant que tel. Mais moi, dans le fond, je suis investi au niveau de mon association étudiante. Puis, je suis observateur à tous les CA, même si je ne suis pas administrateur, juste pour le plaisir de connaître davantage ce qui se passe depuis, dans le fond, cet automne. Je suis là à tous les CA. Sinon, dans le passé, j'ai aussi fait partie de mon association étudiante au Collège Shawinigan pendant 2 ans. Puis, dans le fond, ça résume pas mal mon implication. Donc, le poste en tant que tel secrétaire général, je l'ai vu à travers mon implication. OK, merveilleux. Et puis, est-ce que vous voulez nous parler de vos buts, vos objectifs, si vous êtes élu? Moi, dans le fond, mon principal objectif, c'est d'apporter vraiment mon grain de sable dans le château de sable qu'est la GQTR. Parce que, dans le fond, on ne se cachera pas, c'est déjà une grande structure qui est stable. Mais, encore là, j'aimerais ça apporter mon grain de sable dans cet ensemble-là. Ce que j'aimerais faire, c'est de soutenir toutes les associations sur un plan administratif. Souvent, les associations, on a beau, exemple, entre nous autres, faire nos plans, procès-verbaux et tout ça, t'sais, ils sont pas vraiment sauvegardés quelque part. Si, à un moment donné, s'il arriverait une bad luck, ben c'est triste, mais mettons, on sauvegarde tout sur un portable, quelqu'un part avec le portable, c'est des gens nouveaux qui arrivent. Faut qu'ils recommencent un peu à nouveau. Puis ça, c'est ce que je trouve dommage, parce que dans le fond, ça fait juste retarder le processus. Donc, en tant que tel, j'aimerais mettre en place un système d'archives, justement pour soutenir les associations d'un plan de vue administratif. OK, OK. Bon, merveilleux. Monsieur Andrew Bergeron Vandal. Et voilà. Candidat au poste de secrétaire général. En finissant, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter ou... Peut-être juste de dire au monde de ne pas voter nécessairement pour leur ami, mais de voter pour la personne qui représenterait le plus le poste en tant que tel. Parce que oui, souvent, c'est un concours de popularité, on se le cachera pas, mais je me dis, on n'est pas là pour voter pour notre ami, mais pour une personne qui va nous représenter de la bonne façon. Fait que, oubliez pas d'aller voter du 22 au 24 mars la semaine prochaine. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux, deux candidats au poste de secrétaire général. Voilà, il nous reste un seul et dernier candidat, ça va être le 17e. Oui, exactement. Oui. Thierry Méreau s'en vient tantôt, candidat au poste de président ici même à Assemblage Requis. Mais pour l'instant, on écoute The Deers sur l'album The Generation Street. Voici Thrones. Sur C'est Fou, 89 FM. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Une étoile dans l'océan de Vanes Pariéter sur leur maxi Canicule et Ours Polaire ici à Assemblage Requis. C'est presque la fin de la première heure. Avant ça, par contre, on n'a pas parlé des dates. Très important de le faire pour les élections de la GEQTR. On a reçu deux groupes de candidats, pas trois. Pas trois. On aurait pu avoir trois. On aurait pu. On n'a pas eu trois. On n'a pas de chance aujourd'hui. Non, en fait, ben lui non plus. Deuxième chance, puis il l'a pas pris. Mais bon. Bref, la campagne électorale qui a lieu du 14 au 24 mars, il y aura un débat ensuite lundi qui s'en vient, le 21 mars, à la Chasse-Galerie. Ensuite, il va y avoir le vote les 22, 23 et 24 mars sur le portail étudiant de l'UQTR, évidemment, sur uqtr.ca. Le résultat va être dévoilé le 25 mars et puis les officiers vont entrer en poste le 1er mai. Et voilà. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tout à l'heure avec une deuxième. Quoi de neuf dans la deuxième heure, François? François Simon Fitzbé, avec sa chronique Phénomène. Oui, il parle des Doors. C'est ça, exactement. Et puis François Landry, qui nous parle de... De Bachand. Du budget Bachand. Il nous dit, budget Bachand, ouch! Ouch, ça va faire mal. C'est comme recevoir une porte d'en face. Sur le doigt, mettons, ça... C'est pas plaisant. Ouch! Restez là. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe, quel calor! C'est fou. 89. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 17 mars, Saint-Patrick, là. Ah oui, c'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Ah, Simon, hey, Fitzbé est en vert. Oui, oh, mais ligné de blanc, t'es là un bonbon chez nos grands-parents. Tu sais, les grands-parents ont toujours des petits bonbons avec des lignes dedans. Ça, ouais. Ouais, c'est ça. T'as l'air de... Bon, non, je dirais pas ça. C'est... Non, j'allais... Non. Ah. Mais bon. On écoute Biobazar. Voici l'excellente pièce Crazy Ride. La pièce Crazy Ride de Biobazar, Danny Janvier, qui est en spectacle, on le rappelle, ce samedi. Ce samedi. 19, au Centre culturel Pauline Julien, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est le Biobazar Bazar, n'est-ce pas? C'est ça. Tu seras là, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et je vais vous en parler lundi, n'est-ce pas? Oh, ben, Colin, que oui. Ben, mieux tu l'as dit, là. Donc, Biobazar, et n'oubliez pas d'écouter Danny Janvier sur l'heure du midi au Dîner de con. Tout à fait. Voilà. Maintenant, qui est-ce qu'on reçoit, François? Simon Fitzbé. OK, phénomène. C'est ça. OK. Bonjour Simon. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très bien, vous aussi? Oui. Vous êtes très beau en vert aujourd'hui. Merci beaucoup. T'as un bonbon qu'on pourrait toujours pas faire cette blague, là. Mm-hmm. Tout à l'heure, je vais dire, bon, à s'en lécher les doigts, mais apparemment que ça passe pas. Non. Bon. Donc, Simon, tu me parles des Doors aujourd'hui avant que je prenne moi-même la porte. Oui, je viens vous parler des Portes, exactement. Un groupe qui, malgré son statut éphémère, est devenu une légende. Puisque peu de groupes ont atteint le statut de légende, justement, avec une carrière éphémère qui a duré seulement quelques années. Par contre, une étoile filante perce parfois le firmament et crée une telle commotion qu'il est dur d'oublier à quel point il nous a frappé de plein fouet. Messieurs, donc, ce matin, nous aurons aujourd'hui la plus belle comète du rock, les Doors. Yes. Ah, c'est pas pire. Ah oui, c'est La fondation des Doors origine de la même manière que la plupart des groupes, c'est-à-dire une rencontre. Une rencontre entre deux personnes qui ont changé leur vie à jamais, c'est-à-dire Ray Manzarek, pianiste de 26 ans, qui a été présenté au jeune Jim Morrison par des amis en commun lorsqu'ils sont à Venice Beach à Los Angeles en 1965. Manzarek, qui jouait déjà au sein d'un groupe, réussit à convaincre Morrison de lui chanter certaines de ses compositions et subjugué par ses talents de compositeur, Manzarek lui propose de former un groupe. Le duo recrute John Densmore, qui jouait au sein des psychédéliques Rangers et qui était ami de Manzarek, qu'il avait rencontré dans une classe de méditation. Il faut rappeler que c'est les années 60. Ah, oui. Et John Densmore, lui, était à la batterie. Et ici, avec Pat Sullivan, une collègue plutôt bassiste de Manzarek, le groupe enregistre un démo de 6 chansons avant de recruter Robbie Krieger, le guitariste de talent, qui est venu s'ajouter et compléter le quatuor. Bien sûr, on n'a pas renouvelé le contrat avec Pat Sullivan, dans le fond. Mais donc, le quatuor s'est inspiré d'un poème de William Blake, Le mariage du ciel et de l'enfer, pour créer leur nom. Et c'est-à-dire, là, je vais le lire en français, j'ai pas trouvé la signification exacte en français, je vais le lire en anglais. If the doors of the perception were cleansed, everybody would appear to man as it is infinite. Voilà. Donc, si les portes de l'infini, de la perception, était ouverte, bien, on verrait l'infini. Simplement. Comme ça. Et donc, une année après s'être nommé et s'être formé, le groupe devient le house band du prestigieux Whiskey A Go Go. Et c'est lors de cette résidence que le groupe se fait remarquer par le président d'Electra Records, Jack Oldsman, qui avait entendu parler des Doors par Arthur Lee, chanteur du groupe Love. Le 18 août 1966, The Doors signe avec Electra, moins d'un mois après la signature du contrat. Le groupe a été renvoyé par le Whiskey à cause de la nature explicite de la nouvelle composition, la pièce The End, qui offrait au public une nouvelle version de la tragédie grecque du roi Édipe. The Doors enregistre leur premier album en une semaine, du 24 au 31 août, et c'est Paul Rothschild qui est le producteur de l'album, soulignant le début d'une longue collaboration entre lui et le groupe. Bien que la première pièce à être lancée, le premier simple, Break On Through On The Other Side, ne soit pas un franc succès, l'album arrive dans les bacs la première semaine de janvier, et le second simple, Light My Fire, une fois coupé de 7 à 3 minutes, devient un numéro 1 et met le groupe à l'avant-scène. Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Avec Light My Fire, The Doors devient un groupe à succès et fait ses débuts à la télévision. Le 25 août 1967, il fait une apparence en playback au Malibu U, mais c'est le 17 septembre de la même année que le groupe réalise sa première apparition nationale au Ed Sullivan Show. C'est alors que survient un véritable scandale. Avant le spectacle, les producteurs de l'émission demandent au groupe de remplacer une ligne de Light My Fire pour être en accord avec le comité de censure du réseau CBS. En fait, c'est qu'on leur demande de changer le mot « higher » qu'on entend dans la pièce par « better ». Un peu comme les Rolling Stones l'avaient fait avec « Let's Spend the Night Together » où on avait changé le tout pour que ça soit « Let's Spend Some Time Together ». Malheureusement pour eux, Morrison n'a rien à faire de la censure. En fait, il décide de s'en tenir au script original, allant au groupe d'être les seuls invités à ne pas avoir été félicités par Ed Sullivan après leur numéro. Il n'est pas allé leur serrer la main. Ils ont aussi été bannis du programme qui voulait signer le groupe pour 6 émissions suivantes dans les prochaines années. Ça a été cancellé. En décembre 1967, alors que le groupe continue la tournée pour promouvoir les deux premiers albums, c'est-à-dire l'homonyme de janvier, ainsi que Strange Days, qui est paru en septembre 1967, Jim Morrison se retrouve encore au sein d'un scandale, alors qu'il est arrêté sur scène par les policiers de New Haven. Il devient le premier musicien à s'être fait arrêter pendant un concert. Il s'était moqué des policiers avec qui il a eu quelques échanges verbaux ayant mené une agression policière au poivre de Cayenne quelques temps avant le concert. Jim Morrison, lorsqu'il était sur scène, a parlé de l'événement et là, les policiers sont allés l'arrêter. Vous pouvez voir ça en plus sur des compilations vidéo. C'est assez impressionnant parce que, en fait, lorsqu'il se fait arrêter, Jim Morrison a l'air de pas trop comprendre ce qui arrive et de trouver ça complètement stupide, mais bref. Et donc, l'album suivant, Waiting for the Sun, lancé en 1968, était un autre succès pour le groupe, malgré quelques années croches lors de sa production, entre autres des mésententes avec Paul Rothschild, ainsi que la consommation de plus en plus grande d'alcool pour Jim Morrison. Il se lisse au numéro 1 du palmarès des ventes et le simple Hello, I Love You devient le second, ainsi que leur dernier simple à atteindre le numéro 1 du palmarès. La pièce Hello, I Love You, donc des Doors, bien sûr, tirée de l'album Waiting for the Sun, un excellent album du groupe. Et bien sûr, c'est dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage Requis, dans le cadre de Mathieu Plante et dans le cadre de François-Olivier Marchand. Oui, il y a beaucoup de cadres. Oui, beaucoup de cadres, mais pas des portes. Non. Des cadrages. Oui. Hey, jeu de mots incroyable. Oh, oh. L'Académie Mathieu Plante déteint sur toi. C'est drôle, ça ne vient pas de l'Académie Mathieu Plante. Bien dit. Donc, le groupe est encore un véritable succès sur scène lorsque, bien sûr, qu'il continue la tournée pour Waiting for the Sun. En 1968, il se produit en Europe pour la première fois avec Jefferson Airplane. Le point culminant de cette tournée est atteint à Amsterdam alors que Morrison s'écroule sur scène à cause de sa trop grande consommation de drogue. Bien sûr, il fallait que ça arrive à Amsterdam. Ben oui. Hein? 420. Ah? Le 420, oui. Le 20 avril. Ça s'en vient, la fête des Potter. Là. C'est vrai, le 20 avril. Dans un mois. Ah oui, les beaux souvenirs. En juillet 1969, le quatrième album de la formation de Soft Parade, un disque à connotation expérimentale faisant croire un groupe qui se cherche, paraît bien sûr dans les bacs. Morrison boit de plus en plus et refuse de chanter les paroles des autres. Robbie Krueger, entre autres, a écrit une pièce et ça a été très difficile de le faire avaler à Jim Morrison. Par contre, malgré la quasi-rupture du groupe lors des enregistrements, The Soft Parade est un autre succès qui confirme la popularité des Doors, mais surtout de Jim Morrison auprès des fans. Malgré le succès, Morrison se sent de moins en moins en touche avec son public. Lors d'un concert à Miami, il décide de s'inspirer d'une pièce de théâtre expérimentale qu'il a vue quelques jours auparavant et décide d'insulter la foule. Il débute en demandant l'amour du public puis en demandant que ce dernier donne de l'amour à ses fesses. À ses fesses? Ouais, c'est un peu difficile à traduire sans être vulgaire, donc je suis resté dans les limites de ce qui était correct. Il a également joué les fanfarons en retirant sa casquette à un policier qui faisait la sécurité sur scène. Et en réponse, le policier enlève également le chapeau de Jim Morrison, le jette dans la foule. Donc, c'était quand même bon an mal an jusqu'à là. Après qu'un fan ait aspergé le chanteur de champagne, celui-ci enlève son chandail et incite la foule, dans laquelle se cachait un mouton, à se dévêtir. Il y avait un gars qui avait un mouton. Qui avait amené un mouton? Ah. Ouais, ouais. Il y avait 12 000 personnes, puis il y avait un gars avec un mouton. Moi, amène mon mouton, prends pas de chance. Ouais, c'est particulier, hein? Belle relation de couple. Hein, c'était, ouais, c'était les années 60, surtout. Ouais. C'est sa date. Bizarre. Ouais, exact. Et donc, quelques jours après le concert, la police de Miami a émis un mandat d'arrêt contre Jim Morrison, alléguant que celui-ci avait montré son pénis à la foule. Il aurait également simulé l'amour oral à Robbie Krueger. Quand même, c'est les censors de ces fous là, qui vont arriver en meute et vont retirer l'émission avec tout ce dialogue parce inapproprié. Parce que j'ai dit pénis? Oui. Oups. Juste avant ça, t'as dit fesses aussi. Ah, ouais. Ben ouais. T'as parlé de faire les choses avec un mouton. Oh, ça, c'était moi, par exemple. Oups. Donc, Jim Morrison a refusé qu'on laisse tomber les accusations en échange d'un concert gratuit et a reçu une peine de 6 mois de prison qu'il n'a jamais eu le temps de servir. On va expliquer pourquoi dans quelques instants. Suite à ces problèmes, le groupe prévoit un retour à l'avant-scène avec Morrison Hotel. Premier que l'album rock soit très commercial, le critique Lester Bang, qui était bien sûr éditeur en chef du magazine Cream, dit que c'est le pire album qu'il a pu entendre de sa vie jusqu'à maintenant. Donc, c'est très gentil. Par contre, les magazines Rock et Circus affirment qu'il s'agit de l'album le mieux réussi des Doors. Donc, c'est vraiment deux opinions totalement... Ouais, mais Lester Bang avait l'habitude de bâcher n'importe quoi. Là. Il était très, très pragmatique également dans ses goûts musicaux. Est-ce que c'était le Cassivi du moment? Dans le genre, mais... À différence de Marc Cassivi, qui se mettait pas de gloss quand il passait à TV. Puis aussi, c'est qu'il se rétractait parfois. C'est vu avec les Rolling Stones, entre autres, il avait traité quelques albums des Stones comme étant pas très bons. Il s'est rétracté par la suite. D'accord. Après Morrison Hotel, Jim est de plus en plus mal à l'aise avec son statut de vedette. Il veut être reconnu comme poète et non pas comme chanteur. Il se laisse pousser la barbe, laisse tomber son régime et prend du poids. Le groupe donne de moins en moins de concerts et décide, à un point tournant, d'arrêter la tournée et de se retirer de la scène d'un commun accord, puisque ça allait de moins en moins bien et tout le temps des scandales qui arrivaient. Suite à cette décision, le groupe travaille sur L.A. Woman, un album enregistré dans le local de pratique du groupe sans Paul Rothschild. L'album est le plus artistique de la formation et renferme les pièces à succès L.A. Woman, Lover Madly ainsi que Riders of the Storm. Tout de suite après l'enregistrement de cet album, et bien sûr Riders of the Storm, qui a été la dernière pièce enregistrée par le groupe, c'est-à-dire le 13 mars, Jim Morrison décide de s'exiler à Paris, oui, comme un écrivain en exil. Il se remet à boire d'une façon démesurée. C'est ce qui a causé sa perte. Il est décédé le 3 juillet 1971 d'un arrêt cardiaque. On ne sait pas si l'alcool ou l'héroïne est en cause. Par contre, Jim Morrison est décédé à l'âge de 27 ans. Morrison est enterré dans le coin des poètes du cimetière du Père-Lachaise. Le groupe n'a pas continué malgré une série d'albums posthumes réalisés à partir d'enregistrements des poèmes de Morrison. Les Doors ont tenté un retour dans les années 2000, mais l'âme du groupe est bel et bien disparue le 3 juillet 1971. Into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, storm. Selon moi, la meilleure pièce des Doors est tirée de l'album L.A. Woman et la dernière pièce enregistrée par le groupe avant la mort de Jim Morrison, Riders of the Storm. Et donc, c'était bien sûr dans le cadre de Phénomène où je vous parlais des Doors aujourd'hui, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Simon Fitzbé, merci beaucoup. Et merci à vous. T'es excellent, c'est du bonbon, ta chronique. Un rappel à une blague plus tôt dans l'émission. Un bonbon vert. Entendu. Oui, vert ligné blanc. Mmh. J'aime ton chandail pour vrai. Ben, merci beaucoup. Saint-Patrick! Saint-Patrick! Hey, j'aurais quelque chose à rajouter. Et puis, j'en profiterai, car Simon Fitzbé est là. Et François Landry aussi. Donc, pour te chanter, Mathieu Non. Blanc. Non. Un joyeux anniversaire. Uh-huh. Donc, allons-y, chantons. On y va en cœur. Oh, oui. Un, deux, trois. Bonne fête, Mathieu. Bonne fête, Mathieu. Bonne fête, Mathieu. Yeah! Bon, mais je suis officiellement gêné. Mon cher Mathieu. bonne fête. Ben oui, ben merci. Bonne fête. Vous l'avez pas chanté à la façon Mathieu Plante, genre... Bonne fête, Mathieu. Bon, ben, quand c'est apprécié. Merci beaucoup, les gars. C'est trop gentil. Simon Fitzbé, on te retrouve la semaine prochaine pour ta collègue Phénomène ici dans Assemblage requis à 8h le jeudi. Oui. Et puis ensuite, dans les Simon Fitzdé. Mm-hmm. Séparé avec le Mathieu Plante Mathieu Journée. Ouais, en fait, c'est que j'empiète cette journée. Ouais, c'est un peu ça. Là. C'est ma place quand même. Puis c'est ma fête aujourd'hui. Fait que tes émissions sont toutes annulées. Prends la porte. Hein? Sur l'heure du midi, dans le dîner de con, c'est la chronique Le Scout des Internets. Oui. Avec Danny Janvier. Ensuite, ton émission à toi, La Saveur du Moment à 21h. Exactement, à 21h. Qu'est-ce qui s'en vient ce soir? On va avoir un peu la programmation de la semaine dernière. C'est-à-dire, on va avoir des albums de jazz, des artistes de jazz canadiens, des disques qui m'ont été soumis depuis quelques temps déjà et que je vais tenter de vous présenter dans l'émission ce soir. Ouais. Tu devrais regarder toutes les émissions que tu as faites depuis les dernières années et prendre les concepts de tes autres émissions, faire les émissions spéciales de tes émissions de présentement, mais avec le thème de tes autres émissions. Comme là, tu fais du jazz dans ton émission La Saveur du Moment. Des fois, tu pourrais faire leur concept dans ton émission de cet été, tu sais. Genre, mélanger les... Ouais, faire un genre de melting pot. Ce serait une bonne idée, ça, par exemple. Faudrait que j'essaye ça. Ouais. Donc, c'est La Saveur du Moment à 21h. Revenons sur la piste. Vendredi, dans l'émission du vendredi, t'as ta chronique Les Éphémérides du Rock avec Alain Lefebvre. Les Éphémérides. Ouais, exact, c'est ça. Ça sonne bien. Il n'y a pas l'explosion derrière. Ben. Non, c'est... Ah, oh, ok, attention. On va laisser, ok. Vas-y, tu fais explosion, on y va à trois, ok. Parfait. Mais à go, à un des trois, go ensuite. Okay. Ouais. Un, deux, trois, go. Les Éphémérides. Hey, c'est génial. Pas si pire. Pas si pire, ouais. 7 sur 10. Mettons. Belle atterrissage. C'est ça, oui. Double flipette. Mm-hmm. C'est pas un vrai terme. Hein. Non. Non. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Et à tantôt aussi. Oui. Par le fait même. Oui. Parce que tu restes avec nous pour la chronique de François Landry. Effectivement. Comme à chaque semaine. Hey, manquez pas le colloque des étudiants en histoire. Hein. C'est de demain à samedi. Demain à samedi, donc de vendredi à samedi. De vendredi à samedi, oui, exactement, sur les deux jours. Et je vais participer. Je fais une table ronde à la fin. Ouais. Ouais. Donc, je serai le clou de l'événement. C'est où ça? C'est le pavillon de la santé. C'est là l'an dernier, mais je suis pas au courant, en fait, de où est-ce que c'est. Ça va être sur le campus. Ouais, ça va être sur le campus. Ça va être à l'UQTR. Il va y avoir des petites affiches. Ouais, il y a des petites flèches pour vous montrer. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, tu vas participer à la table ronde et tu vas être le clou de la soirée. Donc, le thème des outils d'assemblage requis va très bien avec ça. Oui. Alors, on prend une petite pause et on vient avec François Landry et Logocratie 101. Restez là. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Oui, vous êtes toujours à assemblage requis. Nous reste encore 28 minutes ensemble environ. On est précis. Maintenant, c'est le moment de sortir les béquets bobos, les pansements, la petite onguent qui fait mal quand tu mets sa blessure, là, parce qu'on dit budget bâchant. Mercurochrome, tout à fait. Mm-hmm. Budget bâchant. Ouch! S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Collègue, s'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Bonne fête Mathieu Plante. Merci, trop gentil. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, grosse semaine. Grosse semaine parce que c'est la semaine où les gouvernements dévoilent enfin leurs chiffres, leurs compétences, leurs priorités, leur siphonnage de poche. Parce que, mes amis, vous allez payer cette année. Oh là là. Comme le dirait le titre de la chronique, ouch. Ouch. Ça va faire mal. Aïe aïe. Vous êtes encore étudiant, vous êtes encore jeune. J'espère au moins que vous êtes en santé. Oh, on est en santé. Ben, okay. Jusqu'à date. Mais vous allez payer. Ouais. Vous allez maintenant payer encore plus cher que l'an dernier pour être en santé. Mais si on n'a pas les moyens de payer, tes impôts s'en occupent. Ouais, c'est ça. Ils vont trouver le moyen. Tes impôts s'en occupent parce qu'on ne payera jamais directement la santé. Ouais. On va payer par les impôts. On est dans la période pour faire ces rapports d'impôts. On a jusqu'au mois d'avril. Donc, vous allez voir sur votre rapport d'impôts une cotisation santé de 100 $. L'an dernier, c'était 50 $, maintenant c'est 100 $. Mais c'est là, presque doublé, ça. Et ça va encore doubler l'an prochain, Mathieu. Ah, ça va être maintenant à 200 $. Et ça, pour l'instant, c'est les trois chiffres qu'on a pour le moment. Il a fait un plan sur 3 ans en matière de cotisation santé. Mais rien n'indique qu'il mettra un frein à ça. Donc, est-ce qu'il va encore perturber dans le temps un autre 200 $, 400, 500? On l'ignore pour l'instant. Ça ne sera pas dévoilé dans le budget d'aujourd'hui, mais c'était déjà des mesures annoncées de l'an dernier. Donc, à partir d'aujourd'hui, on paye plus cher pour la cotisation santé. La TVQ va encore augmenter d'un point. Hein? Elle va être rendue à 9,5? Ouais. T'es pas sérieux? Et l'an prochain, jusqu'à temps qu'on atteigne 11%. Mais non. C'était annoncé l'an dernier. Oh ouais. Si donc, tu t'en souviens. Ah, donc, ça va augmenter en janvier? Ouais, habituellement, c'est le 1er janvier. 1er janvier 2012. C'est ça. Donc, on va augmenter un point de plus. Ouais. Hein? On va juste retomber à peu près à ce qu'on était avant qu'il y ait les coupures faites par Harper. C'est pas si pire que ça. Ouais. On était, non, mais avant, on était à 15%. On est redescendu à 13. On va être à 16. Pour en chiffre de pourcentage sur une facture, oui, mais en chiffre absolu, on est loin de là. Juste pour faire une parenthèse ici, chaque point de taxe que le gouvernement fédéral retire de son programme, donc Harper a baissé de 7 à 5%. Donc, chaque point coupe environ 15 à 30 millions de dollars au Québec en revenus pour le Québec. C'est ce qu'on appelle la compensation des taxes, l'harmonisation des taxes. Parce que nous, sur une facture, regardez, il y a les achats, ensuite TPS, TVQ total. Donc, la TVQ est taxée sur l'achat et la TPS. Oui, sur la taxe. Oh. Donc, le gouvernement fédéral nous redonne en fin d'année une harmonisation à laquelle on ne s'entend pas. Ça serait environ 2,2 milliards par année, ce qu'on n'aura pas cette année. Donc, ça fait 2,2 milliards de moins dans les coffres de l'État à Québec. Et là, si le gouvernement Harper baisse en plus les points de taxes, Québec n'a pas le choix d'augmenter de son côté pour au moins, pas contrebalancer, mais pour amortir le manque à gagner que le fédéral a coupé. Donc là-dessus, c'est de valeur, mais c'est Harper le coupable dans la hausse de la TVQ au Québec. Mais juste le concept de taxer sur la taxe, moi je trouve ça, en tout cas moi ça me rentre pas dans la tête. Là, mais... Ben, c'est une mesure qu'ils ont trouvée pour avoir plus d'argent dans les poches du gouvernement du Québec. Parce que partout ailleurs, à part Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas, c'est une seule taxe. Mmh. C'est, on paye la TPS. Et à l'intérieur, la TPS est à peu près, pour le Québec, est à 5%. Mais ailleurs dans le Canada, la taxe harmonisée, donc ça peut monter à du 10-12%. Mais il y a une compensation qui s'en va aux provinces après. Sans oublier que le gouvernement fédéral se prend un petit profit. Oh oui. Mais c'est retourné en guise d'entente, de contrat avec les provinces. Donc là, le budget aujourd'hui, en ce jeudi 17 mars, pour ceux qui nous écoutent en rediffusion dans le temps ou ailleurs dans le monde, comme en Australie qu'on est 18. Oui, bien sûr. C'est aujourd'hui jusqu'à 16 heures, il y a un huis clos total sur le budget. Donc aucun journaliste ne peut dévoiler le résultat du budget. Mais il y a toujours des fuites. Hein? On sait toujours qu'au gouvernement, avec les fonctionnaires, c'est peut-être pas eux autres, j'accuse personne ici, mais il y a peut-être même un politicien qui a volontairement laissé couler le budget pour que la population se rende dans l'idée que, ouf, c'est pas si pire que ça, on grognera pas trop. C'est une stratégie gouvernementale, tu sais, laisse éparpiller un petit peu de miettes pour que quand t'arrives au plat principal, on ait déjà plus faim. T'sais. Fait que, une belle image ici. J'adore ça. C'est un peu comme le coup d'œil sur le budget qui a été lancé hier, où c'est qu'on a eu certaines informations. C'est ça, on a eu deux grandes informations, les deux pièces majeures du budget. Les autres, c'est soit de la fiscalité qu'on comprend absolument rien là-dedans, la comptabilité qu'on comprend absolument rien là-dedans, mais il y a deux gros morceaux. Je vous disais, vous êtes jeune, j'espère au moins que vous êtes en santé, parce que vous êtes encore étudiant, et plus tard, quand vous allez travailler, vous allez vouloir vous payer une petite retraite, bien tranquille, le plus rapidement possible pour pouvoir profiter de vos vieux jours. Oubliez ça. Alors qu'on travaille de plus en plus longtemps. Oui, monsieur, parce que maintenant, avant, c'était pas réglementé, mais maintenant, 65 ans, tu te dois encore de travailler. Si tu prends ta retraite avant 65 ans... Tu vas avoir des pénalités. Une pénalité de 30%. C'est énorme. Hein, c'est pas 2-3%, là, c'est 30% que tu vas te voir couper de tes régimes de rente. Et maintenant, ceux qui veulent travailler plus longtemps que 65 ans, là, ils auront un boni. Donc, inciter à travailler plus longtemps. Donc, la population est vieillissante au Québec, on s'en rend compte. Le gouvernement dit il nous manque 1 milliard de dollars annuellement pour le régime des rentes. Faut aller couper quelque part. Et la manière qu'il a trouvé, c'est de vous faire travailler plus longtemps ou de vous faire payer si vous êtes trop paresseux. Mais j'imagine que ce 30%-là va pas être nécessairement prélevé si on arrête de travailler pour des causes d'invalidité ou des choses comme ça. Non, c'est ça, il y a des clauses. Là. Évidemment, il y a l'article 1 et ensuite il y a 36 alinéas là, qui va s'en suivre pour dire... Je suis pas mal certain que ça risque d'augmenter, ça, les formes de possibilités de travailler. Exactement. Ça, c'est dans les faits, dans le budget, ça va être 30%, mais avec les mois et années qui vont passer, ça va jouer, ça peut des nouvelles clauses qui peuvent être amenées ou des nouveaux programmes gouvernementaux qui peuvent dire si tu t'achètes un REER plus à l'âge de 26 ans que tu cotises, tu vas pouvoir prendre ta retraite à 56 ans. Ça peut arriver aussi. Et l'autre affaire, les fameux droits de scolarité. Une grande question. Il y en a, ouais, grosse réponse. Grosse réponse, grosse dépense. Depuis 2007, on va retourner dans le temps, le gouvernement avait dit en avril 2007, dès septembre, donc au budget d'avril 2007. Dès septembre 2007, on va augmenter les droits de scolarité. On met un stop au gel des frais de scolarité qui prévalaient depuis 1994, qui était à 1 600 $ par année, chiffre rond, pour un étudiant à 15 crédits au bac. Maintenant, on va l'augmenter de 50 $ par session sur 5 ans. Donc, c'est 100 $ par année. Par année. L'année d'après, c'est 200 $ par rapport à 2007. Ensuite, 300 $ par rapport à 2007. Pour un total de 500 $ en 2012, un étudiant qui n'a pas encore fini son bac va payer 500 $ de plus qu'il payait en 2007. Donc ça, c'est une augmentation de 15% des frais de scolarité. Ça rapportait, grosso modo, même pas 100 millions de dollars d'argent neuf au gouvernement. C'était 19 millions, excusez. C'est 19 millions que ça rapportait en argent frais. 19 millions, on répartit ça dans 19 établissements universitaires, ça fait 1 million chaque. 1 million chaque dans un budget comme avec l'UQTR de 40 millions, 50 millions, ça pèse pas lourd dans la balance. Non, c'est sûr. Hein? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, l'actuel dégel avait lieu jusqu'en 2012, mais le gouvernement va annoncer aujourd'hui, mais il y a eu des fuites, donc on le sait, qu'il va écouter ce que la conférence des recteurs a suggéré. Donc, une augmentation, tenez-vous bien, non pas de 50 $ par session comme c'était avant, mais de 250 $ par session pendant 3 ans. Donc, par année, ça va être 500 $. Donc, dans 3 ans, on va payer 1 500 $ qu'on paye plus qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, c'est une autre augmentation. Par session, 1 500 $ de plus qu'on va payer? Par année, okay, là, faut pas se mêler. C'est 500 $ par année, divisé par deux, donc 250 $ par session. Sauf que tu payes 500 $ en 2012, tu vas payer 1 000 $ de plus en 2013 par rapport à 2012, et en 2014, 1 500 $ de plus par rapport à 2012. Donc, on voit que celui qui commence son bac en 2011, donc l'an prochain, va voir sa facture grimper de manière astronomique de quasiment de 2 000 $ là, pendant son bac. Ouais, puis grosso modo, on passait à peu près 2 400 $ à près de 4 000 $ Exactement. Par année. Donc, la moyenne canadienne, la fameuse moyenne canadienne que tout le monde veut qu'on rattrape, c'est de 5 500 $. Sauf qu'ils oublient, dans leur démagogie légendaire, que si nous, au Québec, on augmente, la moyenne canadienne augmente. Mm-hmm. Donc, la moyenne canadienne sera plus de 5 500 $. Ça va augmenter à 5 600, 5 700, 5 800. Donc, il va falloir rattraper ça. Et là, la Crépuc avait dit, nous autres, d'ici 2019, on veut que ça soit kiff-kiff, que ça soit à égalité avec la moyenne canadienne. Donc, attendez-vous à d'autres hausses en 2014. Mais là, j'en reviendrai ici, ça va me faire plaisir de vous réexpliquer le tout. Je vous souhaite de finir vos études d'ici là. Dépêchez-vous. Est-ce qu'à chose stupide aussi, ce qu'on dit que c'est pour rendre les universités compétitives? Mais de toute façon, je pense pas que l'argent de ces hausses-là va s'en aller directement au profit de la recherche et des enseignants, là. Ça, présentement, ils disent, on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire. Ils vont juste dire, on va bonifier l'aide financière aux études. Une chance qu'ils ont au moins dit ça. J'attends de voir les chiffres, de voir combien. Ils vont augmenter de 25 $ par année. Ils vont dire, les étudiants vont juste le reste. Exactement. Parce que faut pas oublier que depuis que l'aide financière aux études existe, donc depuis 1969, elle a été mise à jour seulement 6 fois, l'aide financière. Donc, 2 fois les 2 dernières années. Par chance, parce que ça faisait pratiquement 10 ans que ça n'avait pas été fait. Et donc, en n'ayant pas été ajusté à la réalité, le gouvernement a économisé sur le dos des étudiants 70 millions de dollars. Donc, le 70 millions de dollars, il ne l'a même pas réinvesti quand il s'en est rendu compte un moment donné en ouvrant la Switch. Il ne l'a pas investi en AFE, il l'a investi en route, en paiement de dette ou en paiement d'avocat pour Jean Charest avec la commission Bellemare. Il a fait ce qu'il voulait avec ça. Là, le gouvernement, pour faire passer la pilule, dit « Depuis 2003, on a investi 1 milliard de dollars en éducation. » Bravo, bravo. Mais il faut savoir d'où provient ce 1 milliard-là, comment il est dépensé surtout. 1 milliard de dollars, il y a un calcul scientifique qui se fait. Sur le 1 milliard de dollars, il y en a 800 millions qui s'en vont seulement pour la structure universitaire, donc l'immobilier. Payer les frais de chauffage, les frais d'entretien, la masse salariale, les nouveaux bureaux du recteur, que oui. Ça, sûrement, ça fait l'objet d'une autre colonne comptable à elle seule, parce que juste notre recteur ici va s'en tirer avec 150 000 $ en prime de départ, plus son salaire de 150 000, donc il va quitter en un an avec 300 000 $ clair dans ses poches. Ouais, mais il s'est fait raser les cheveux pour le défi tête rasée, donc maintenant les gens l'aiment. T'sais. Ouais, ben disons, il y a eu 3 000 $ là-dessus, il aurait pu lui-même accoter ça avec son argent qu'il a eu, 153 000 $, il aurait pu dire « je double mon temps ». Mais il est chiche. Bon. Mm. Donc le 1 milliard de dollars, c'est 800 millions qui s'en vont sur les frais d'immobilisation. Donc, il reste 200 millions de dollars. Sur le 200 millions de dollars, c'est université et cégep. Et il y a un calcul 60-40. 60% de toute enveloppe dédiée à l'éducation s'en va dans les universités. Donc, il reste 120 millions de dollars. On parle d'un milliard tantôt, il reste 120 millions. On divise par 19 établissements universitaires. C'est en moyenne 7 millions de dollars par année. Donc, le gouvernement, depuis 2003, a investi 7 millions de dollars à l'UQTR. Sur le milliard, là. On s'entend que c'est rien. Ouais. On s'entend que juste la hausse des frais de scolarité. Ici, les étudiants à l'UQTR donnent 2 millions de dollars à l'État par les droits de scolarité. Donc, nous seuls, là, on équivaut à peu près le tiers de ce que le gouvernement donne en argent neuf. Donc, une mauvaise foi quelque part. Les étudiants vont encore payer la note. On verra le chiffre exact ce soir à partir de 16h. Donc, ça va être... Ça, la hausse, tu parlais par session, mais ça va être vraiment par crédit, j'imagine. Ça va être redivisé ensuite par crédit. Okay. Actuellement, c'est 3,33 $ par crédit de plus que par rapport en 2007. Là, on verra le chiffre qu'ils vont apporter. Si tu prends 4 cours, c'est sûr que ça va te coûter moins cher. Si tu prends un cours, ça va te coûter encore pas mal moins cher. Mais habituellement, quand on parle de droit de scolarité, on y va pour une moyenne de 15 crédits par session pour un bac normal de 3 ans, pour un étudiant québécois. Les internationaux, vous avez reçu des candidats tantôt, c'est dans leur priorité. Eux autres, ils ont des frais majorés et il y a un 10% de plus qui s'applique. Donc, la majoration, c'est les droits de scolarité du Québec, plus 250 par crédit qu'ils payent. Donc, ça équivaut à peu près à 8 000. Donc, 10 % de 8 000, c'est 800. Donc, ils payent pratiquement 9 000 pour étudier dans la même classe que toi. Donc, c'est le type international qui est à tes côtés paye 9 000, toi, t'en payes 2 000. Donc, il y a une discrimination qui est faite là. Ça, c'est un autre débat que j'embarquerai pas, parce qu'à l'AGE, on est en plein dans ce débat-là. Oh, ouais. Faut voir la priorité. Le gouvernement dit que c'est l'éducation notre priorité. J'ai des doutes. Ouais. J'ai des doutes. C'est plutôt la rentabilité de l'éducation qui est sa priorité. Et jusqu'à maintenant, là, j'ai plus de doutes. Je donne raison. Et c'est d'accumuler de plus en plus d'argent pour avoir un État de plus en plus obèse et tentaculaire, comme dirait Éric Duhem. Oui. Je vais t'appeler Simon Duhem. Oui. L'État est de plus en plus gros. Il y a trop de fonctionnaires. Mais tout ça pour dire qu'à 16h, vous allez le huis clos est levé. Je vous invite à suivre sur vos réseaux sociaux, sur Internet, à télé. Ça sort, ça. Le budget à 16h, les journalistes peuvent sortir la nouvelle. C'est certain que ce soir, à part le Japon, on va parler du budget au bulletin de nouvelles. Donc, ça va être à surveiller. Et là où ça blesse le plus, c'est mardi prochain, il y a un autre budget, celui d'Ottawa. Ah ouais, c'est vrai. Hein? Et là, c'est un budget d'austérité et très conservateur qu'on va avoir. Donc, ça va être encore pire que le gouvernement du Québec, tout dépendamment de où. Mais ça va-tu passer ou... C'est là la seconde question. Si le gouvernement survit d'ici mardi prochain, parce qu'il y a présentement des commissions sur l'intégrité et l'éthique du gouvernement, le gouvernement pourrait être appelé en chambre à voter une motion de non-confiance. Ça m'étonnerait, ça tombe aujourd'hui, puisque c'est la dernière journée pour ça. Mardi, présentation du budget, et ensuite, il y aurait les jours et les semaines d'études du budget. Là, il pourrait y avoir un vote pour dire on entérine ou non le budget. Okay. Et si le budget fédéral ne passe pas, déclenchement d'élections générales d'ici le mois de mai, donc le 9 mai, préparez-vous à les élections. J'y crois de moins en moins, moi. Ah non, moi, j'y crois de plus en plus. Parce que avec les problèmes qu'il y a au sein du NPD, avec tout le reste, là... Mais justement, c'est peut-être ça qui va motiver d'ailleurs les conservateurs à présenter un budget qui, pour les autres partis, n'a aucun sens. Exactement. Comment diviser l'opposition? À moins que ça soit vraiment, là, vraiment... Parce que selon les sondages, le jeudi dernier, je t'ai parlé dans ma chronique, présentement, le gouvernement est minoritaire, mais avec les prochaines élections, selon les prévisions de sondage, il serait très fortement majoritaire. Donc, ouais. Il pourrait y avoir 159 députés et ça en prend 103 pour être majoritaire. Mais si on se retrouve, par contre, avec toutes les ce que le Québec demande de réunir, je veux dire, le Bloc, lui, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller en élection. Il demande 2,2 milliards en retour en péréquation. Il demande aussi d'autres petits détails. Mais là, avec... Les fameux achats des avions F-35 qui devaient coûter originalement 16 millions de dollars, mais qui finalement vont coûter 30 millions de dollars et qui ne sont même pas adaptés à la réalité canadienne. Le Bloc québécois s'est revisé, il s'est dit non, on peut pas faire ça. Puis là, si le gouvernement passe, le contrat d'achat va passer, puis c'est 30 millions de dollars en trop. Donc là, on revise notre position. On ne sait pas encore. Jules Duceppe jongle avec l'idée de, juste pour faire freaker un peu Hopper, Layton, comme tu dis, Simon, qui n'est pas très en santé ces temps-ci, et Ignatieff, qui est pas là. Il est pas là. Il est parti fusion. Bon, son pauvre fusion. Fusion. Bon. Donc, c'est ça. On s'en reparle. Oui, on va s'en parler. Merci beaucoup de ta présence. Merci. Excellent travail. Merci. Tu fais très bon travail. Merci. Vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Alors, on suit sur Twitter avec le mot attache-peau. Attache-peau. ATTACHEPO. Exactement. Voilà. Sinon, on te retrouve à l'heure internationale tous les mercredis à 10h. Oui, avec mon camarade Alexandre Gauthier. Oui, émission de politique internationale, d'où le nom, évidemment. Et on t'écoute aussi tout à l'heure à C'était fou. Oui, oui. Ben oui, parce qu'en 13h et 14h, il y a un extrait de l'émission Pure Laine que tu animais avec Geneviève Marchand. Ah, ben oui. Et on rembobine jusqu'en 2005 et c'est un extrait de ton émission qu'on va écouter. Ben oui, puis j'ai hâte de recevoir mon chèque dans mal. C'est pareil, j'ai des redevances. Là. Ben c'est ça, il est dans mal. Comme j'ai dit sur Facebook, c'est un pourcentage du salaire que tu as eu à l'origine de la diffusion de cette émission. Ça va m'aider à payer mes impôts cette année. C'est ça. Donc, c'était fou, c'est cet après-midi à 13h les jeudis. Sinon, ça rejoue les mardis à 9h pour ceux qui écoutent ailleurs, comme tu disais. Oh oui. À d'autres moments, cette chronique politique Logocratie 101. À la semaine prochaine, jeudi à 8h30. François Landry. Oui, merci. Merci. On passe en musique, on écoute une pièce qu'on écoutait beaucoup dans le temps, il y a à peu près un an. Je sais pas si tu te rappelles, c'est Plagiat. Voici Beautiful Explosion. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. La pièce Jus de tomate à Assemblage Requis au 89.1 FM. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Déjà. Soit déjà. La dernière de la semaine. Ben oui, tu l'as dit. Je l'ai dit. C'est triste, mais on se quitte pour une autre fin de semaine, 2-3 jours pour nous parce qu'on n'a pas d'émission vendredi. Par contre, soyez à l'écoute pour les meilleurs moments. C'est dans le meilleur de C'est fou. Ça se passe vendredi matin entre 6h et 9h et les samedis en après-midi. Alors, merci les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. François Landry qui nous a quittés. Simon Fitzbé qui est toujours là. Bonjour. Bonjour. Merci. Ben, bonsoir. Au revoir. Ou bonne fête. Ouais. Bonne fête. Bonne fête, Mathieu. Merci. Hey, on remercie d'ailleurs Maxime Lemieux Laramé. Hein? Oui, on remercie Émilie Gauthier. On remercie Stéphanie Gagné. Qui d'autre? Et tous les candidats. Les candidats. pour les élections de l'AGE UQTR. Bref, allez voter, ça se déroule le 22, 23 et 24 mars prochain. Oui, on les remerciera pas par nom parce qu'il y en a 10. Ah non. On remercie aussi les gens de la clinique de chiropratique de l'UQTR pour la chronique d'ajustement. Donc, tous ceux qui ont participé à l'émission cette semaine, si on vous a oublié, désolé, hein, on vous remercie quand même. On se retrouve lundi matin à 7h avec une nouvelle édition. On va voir Audrey Tremblay pour nous parler du plus récent numéro du journal Zone Campus qui est en kiosque à partir de demain. Tout à fait. Et aussi lundi, Stéphanie Gagné avec Take Me Out et Ton Plaf Favori. Restez sur nos ondes. À 9h, c'est Tour d'Afrique avec Rachel. Ça commence juste après les nouvelles de Radio-Canada. Puis à 10h, c'est Connaître Ensemble, émission pour tout savoir sur la périnatalité. À 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. Et puis plus tard en journée, je serai de retour avec C'était fou et un extrait de l'émission Pure Laine qui date de 2005. Ça commence à 13h. Puis à 14h, je vais animer les Palmarès C'est fou en compagnie de Stéphanie Gagné. Alors passez une excellente journée. Bonne fin de semaine, François. Bonne fin de semaine à toi. Bonne fin de semaine, Simon. Bonne fin de semaine. Bonne fête. Je fais rien à ma fête. Je fêterai pas. Je suis plate. Je suis vraiment plate, mais j'ai pas envie de fêter. Je vieillis. Ouais, t'es vieux. Merci. Ouais, je blaguerai pas sur toi. Je pourrais te vexer si je blaguais sur toi. Bye. Salut. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.